Deus é mais Bahia sangue bom. Deus é mais Bahia de todos santos. Deus é mais, fiquei com Deus. Deus é mais, fiquei com Deus. Nyama, nyama, nyama, nyama, salte. Nyama, nyama, nyama, salte. Nyama, nyama, nyama, salte. Nyama, nyama, nyama, salte. On fait le show, on fait le show à Bahia. On fait le show à Salvador de Bahia. On fait le show, on fait le show à Bahia. On fait le show à Salvador de Bahia. Les filles sont canons dans leurs petits caleçons. Les seins nus au soleil font frémir nos arcs-en-ciel. Elles sont sexy et patac patac. Ça nous donne la patata. Quand la musique se met à roucouler, tout le monde se laisse aller. Quand la musique se met à roucouler, l'océan se met à danser. Nyama, nyama, nyama, nyama, saleté. Nyama, nyama, nyama, saleté. Nyama, nyama, nyama, saleté. Nyama, nyama, nyama, saleté. On fait le show, on fait le show à Bahia. On fait le show à Salvador de Bahia. On fait le show, on fait le show à Bahia. On fait le show à Salvador de Bahia. On fait le show à Bahia.